l'esprit ne manifeste mieux sa puissance que là où il s'exprime pour tâcher de comprendre. Sosamela ke lo que coquina mongongo la e. Le gana que embarazo. Belo, belo, oh belo. Bienvenue Wawa. Bela moya ye mono ibelala. Asha mo bela moya ye mono ibelala.